Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un qui a un projet de bâtir une maison. Tu as des difficultés pour entrer en possession de ton terrain. Prends un moment de jeûne de 3 jours. Tu vas terrasser les géants et tu vas entrer en possession de ta maison au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est un géant. Il y a un homme fort qui s'oppose à ce que tu sois propriétaire des maisons. Et au nom de Jésus, tu vas les terrasser. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 33, versets 1 à 11. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire le passage du jour, psaume 33, 1 à 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur les luttes à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Quel psaume merveilleux. Je voudrais partager avec vous 2 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Les justes doivent louer l'Éternel. Quand on parle de justes, il s'agit des croyants. Pour nous aujourd'hui, c'est nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Tu es un juste, tu es enfant de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu et tu as ce devoir de louer l'Éternel, cette obligation même de louer l'Éternel. Ce psaume met en exergue ceux à qui reviennent le ministère de la louange, les justes, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu et qui obéissent à ce commandement. Le psalmiste les appelle également les hommes droits. Il y a 2 ingrédients de la louange qui sont cités ici. Il y a les instruments et les cantiques. Voyez, David dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Verset 2, célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur les luttes à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Donc, il y a d'abord les instruments, comme la harpe, le luth, qui étaient souvent utilisés. Aujourd'hui, nous disposons d'une panoplie d'instruments de musique tels que les pianos, le balafon, la guitare, la cora, la flûte, la trompette, l'accordéon, le saxophone, pour ne citer que ceci. Apprenons également des cantiques nouveaux pour éviter la monotonie. C'est pourquoi, même dans l'église aujourd'hui, c'est vrai, il y a ceux qui ont la nostalgie des vieux chants, des chants de 1800, des chants de 1900. Ces chants ont été aussi inspirés. Ce n'est pas toujours mauvais de les déclasser. Mais nous devons toujours apprendre aussi des chants nouveaux. Donc, il faut cette variation. Hein. Le Seigneur aime cela. Chantez-lui un cantique nouveau. Le psalmiste cite quelques raisons qui devraient nous pousser à louer l'Éternel. Pourquoi devons-nous louer Dieu? Il dit, sa parole est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Au verset 4, il faut que chacun de nous se rende compte que la parole de Dieu est droite. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et toutes les œuvres de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Deuxième raison qui devrait nous pousser à louer Dieu, il aime la justice et la droiture parce que Dieu lui-même est juste. Regardez combien nous vivons des injustices. Je parle à quelqu'un, tu vis des injustices là où tu travailles, même dans ta famille. Mais quand tu te confies en ce Dieu-là, ce Dieu est juste. Il aime la justice, il aime la droiture. Et ceci doit nous interpeller pour que nous aussi nous aimions la justice, la droiture. Troisième raison qui devrait nous pousser à louer Dieu, sa bonté remplit toute la terre. Il suffit de voir tout ce que Dieu a créé. On se rend compte que Dieu est bon. Le fait même de te réveiller chaque matin, tu respires. Pendant qu'il y a ceux-là qui respirent de manière artificielle parce qu'ils sont aux soins intensifs, toi tu respires. N'est-ce pas un signe de la bonté de Dieu? Cette bonté remplit toute la terre. Autre raison, il est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui le créateur. Le verset 6 dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Vous vous rendez compte? Quand vous regardez la mer, vous regardez les océans, vous êtes émerveillé, n'est-ce pas? Mais ces choses démontrent qu'il y a un créateur qui maîtrise. Regardez aujourd'hui même, on parle des catastrophes naturelles. L'homme, même les grandes puissances n'arrivent pas à maîtriser. Mais il y a un Dieu qui est créateur, qui maîtrise la nature. C'est lui le créateur. Rien qu'en regardant ce qu'il a créé, nous devons être poussés à le louer, à le célébrer pour dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Deuxième vérité. Toute la terre doit craindre l'Éternel. Oui, la crainte de Dieu. Non seulement nous, les chrétiens. D'abord, c'est surtout nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Nous devons marcher la crainte de Dieu. Mais aussi, toute la terre doit craindre ce Dieu-là. Tous les habitants du monde sont exhortés à craindre l'Éternel pour les raisons ci-après. Voici quelques raisons qui sont évoquées ici. Il y a trois grandes raisons. Première raison, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent dire des choses, même des grands présidents du monde, des grandes personnalités, ils peuvent dire, je vais faire ça. Mais quand vous regardez après là, vous ne voyez rien. Mais Dieu, quand il dit ce qu'il dit, la chose arrive. Il a l'effectivité du pouvoir. Il accomplit ce qu'il dit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. La parole de l'Éternel ne peut rester sans effet. Les grands chefs, les grands rois de ce monde peuvent faire des déclarations, mais restent sans effet. Ils ont fait des promesses qui ne se sont point accomplies. Il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Deuxième raison qui doit pousser toute la terre à craindre l'Éternel. Il renverse les desseins des nations et il anéantit les desseins des peuples. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les projets des hommes les plus puissants, les projets des grandes puissances n'aboutissent pas tant que l'Éternel ne les a pas autorisés. Nous avons des exemples même dans la Bible. Il y a un certain Nimrod qui a voulu bâtir une ville et une tour qui atteigne le sommet de Dieu à Babel. On parle de cette histoire, la tour de Babel. Ce projet était un projet qui était contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu peux avoir de grands projets. Même aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui disent, on veut construire les plus grands temples. On veut faire de grandes choses. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais quand Dieu n'est pas dans ton projet, ou bien quand le but de ce que tu veux faire, c'est de t'enorgueillir, Dieu risque de te confondre, comme il a confondu ceux qui bâtissaient la tour de Babel. Nimrod a voulu bâtir une ville qui atteigne le sommet de Dieu, mais Dieu a confondu ses projets. Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël lorsqu'ils partirent de l'Égypte. Il espérait les atteindre devant la mer Rouge. Dans son cœur, il disait, je les poursuivrai, je l'atteindrai, je partagerai les butins, ma vengeance sera assouvie. C'est ce qu'il disait, Exode 15, verset 9. Mais Dieu a renversé son dessein en engloutissant l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es combattu par un pharaon spirituel, quelle que soit sa puissance, Dieu est capable de renverser les dessins de mystiques, les dessins de méchants, les dessins de sorciers qui combattent ta vie, qui combattent le ministère que tu fais. Dieu est capable de renverser leurs dessins. Troisième raison qui devait nous pousser à craindre l'Éternel, c'est que ses desseins subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Pendant qu'il renverse les desseins des nations, mais lui, Dieu, ses projets à lui, personne ne peut les renverser. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a appelé au ministère, même si tu connais des combats, personne n'empêchera l'éclosion de ton ministère. Parce que ça fait partie des desseins de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a montré une vision de bâtir une entreprise, quel que soit le combat, Dieu lui-même va faire en sorte que ce dessein s'accomplisse. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Nous savons qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Selon Jérémie 29, verset 11. Aucun homme, aucune force, aucune puissance ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses desseins. Il avait le dessein de délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Pharaon a pris toutes les dispositions pour empêcher ses desseins en ordonnant de tuer tous les mâles. Mais Dieu a préservé la vie de Moïse qu'il avait choisi pour accomplir son dessein. Il choisit de sauver les hommes en envoyant son fils Jésus naître d'une vierge. Le roi Hérode voulut tuer les petits enfants. Mais Dieu a renversé son dessein et a préservé la vie de Christ jusqu'au temps marqué où il devrait mourir sous la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Tant que ce que tu fais fait partie de la vision de Dieu, des desseins de Dieu, personne ne peut bloquer cela. Parce que les desseins de l'Éternel subsistent d'âge en âge et se projettent de génération en génération. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur, grande. gloire à Dieu. Il mérite l'honneur, il mérite la louange, il mérite les actions de grâce. Élevons nos voix tous ensemble et bénissons ce Dieu-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan. C'est votre serviteur au microphone, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous prions aujourd'hui selon le psaume 33 du verset 1 jusqu'au verset 11. Nous allons louer l'Éternel pour tous ses attributs énumérés dans ce psaume. Sa fidélité, sa justice, sa bonté envers nous. Remerciez-les pour l'accomplissement de ses promesses. Que chacun prenne un moment pour louer l'Éternel. Lui, le Créateur, le Dieu fidèle, le Dieu qui fait de grandes choses. Élevons nos voix. Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous nous prosternons devant toi et nous exprimons notre reconnaissance pour tout tes hauts faits. Nous disons merci Père éternel parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci pour la grâce à notre égard. Tu as été bon pour nous, ô Père éternel. Lorsque nous étions encore pécheurs, ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. C'est pourquoi nous ne cesserons d'exprimer cette reconnaissance, de manifester notre joie parce que tu nous protèges. Tu es un Père aimant. Tu es un Père qui procure la sécurité à ses enfants. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Merci Père éternel. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Merci parce que tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Père éternel, comment nous ne pouvons pas te dire merci? Comment est-ce que nous pouvons nous taire? Nous ne pouvons pas nous taire, Père éternel, à cause de ta bienveillance, à cause de ta bonté, à cause de ton amour à notre égard. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ce n'est que par ta grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous disons merci parce que lorsque nous étions en proie à des tourments, tu as envoyé ta parole et tu nous as délivrés de la force de la destruction. Nous te disons merci, Père éternel, pour toutes choses, pour tes projets, pour notre vie. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir que Dieu renverse les desseins des nations. Il anéantit les desseins des peuples. Mais ces desseins à lui subsistent d'âge en âge. Nous allons prier d'abord pour que tous les desseins des méchants les desseins de Satan, les desseins des hommes de ce monde qui ne viennent pas de Dieu, les desseins qui ont pour but de contrarier le projet de Dieu ou les plans de Dieu soient renversés au nom de Jésus-Christ. Les projets, les desseins de l'ennemi contre ta vie, ta famille, qui soient renversés au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père, parce qu'en toi nous avons la vie, en toi nous avons la sécurité, la protection. Tu es notre Dieu, notre haute retraite, notre puissant guerrier, notre Goël. Tu es celui-là qui combat pour nous. Nous voulons te prier ce matin, nous voulons appeler à ton secours, parce que tu es celui-là qui a créé tout ce que nous voyons, l'invisible comme le visible, les hommes que tu as créés à ton image. Tu as le cœur de tout homme dans tes mains comme un courant d'eau et tu l'orientes où tu veux. Mais aujourd'hui, d'autres sont devenus les suppôts du diable pour anéantir tes projets sur ton peuple, sur tes enfants, sur ceux que tu as rachetés. Le diable veut les dominer, mais tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Nous avons foi que tu vas anéantir les projets du diable, les projets des ennemis, des mystiques, des spirites, des médiums, des magnétiseurs, des traumatiseurs, des occultistes, des méchants, des sorciers, de ceux-là qui veulent détruire ton plan dans nos vies. Nous nous levons contre leurs plans ce matin et nous mettons la confusion, la défaite, la poussière, la crainte des champs, la confusion ce matin qui se disperse. Nous plantons la croix de Jésus dans le camp et que leur vent, leur plan soit annihilé au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que les desseins de l'Éternel subsistent d'âge en âge. Chacun va prier pour que les desseins de Dieu pour toi s'accomplissent. Ce qu'il t'a montré, la vision qu'il t'a montré, des choses qu'il t'a montré, tu vas prier pour que cela s'accomplisse, quels que soient les obstacles, au nom de Jésus. Et crois, confesse en sa fidélité, confesse que cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te célébrons et nous te glorifions. Merci parce que nos cœurs magnifient tes bienfaits. Nos âmes t'élèvent à cause de tes hauts faits dans notre vie. Notre bouche est dans la célébration à cause de ta main qui nous a préservés depuis le début de cette année jusqu'à maintenant. Dans cette saison de rentrée, tu es le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Et tes plans et tes projets pour nous sont oui et amen. La Bible dit, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Depuis le sein de nos mères, tu as envoyé une parole. Tu nous as donné une vision, une prophétie. Tu nous as donné, oh Dieu, une révélation. Seigneur, quels que soient les obstacles, quelles que soient les oppositions, nous allons accomplir ce que ta bouche a dit. Nous allons réaliser nos vœux. Nous allons enfanter, avoir des enfants. Nos enfants seront les meilleurs à l'école. Tu vas nous protéger en cette fin d'année. Toute attaque, toute œuvre de l'ennemi à notre égard est sans effet. Tes promesses vont s'accomplir et s'accompliront certes. Et toute ta prophétie nous concernant, concernant ma sœur, concernant mon frère, se réalisera. Car il est écrit dans Josué 21, verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune resta sans effet. Toutes s'accompliront. Oui, Seigneur, toutes s'accompliront. Seigneur, je déclare que ce projet de mariage de ses sœurs soit accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu et mon Père, ce couple qui désire un enfant, que cet enfant soit accordé, soit donné au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce frère qui est guéri de cette cécité au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour ce témoignage étonnant, pour cette élévation. Merci pour cette nomination. Merci pour cette grande protection que tu nous accordes pour la vie et la vie en abondance que tu nous donnes en cette saison au nom de Jésus-Christ. Pour toute parole qui est sortie de ta bouche pour quelqu'un, qui se réalisera, car tu es Dieu et tu n'as point changé. Tu nous aimes, tu nous aimes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.